غلط داره مل آز مل دید یا یا خاک مومت اوکی صافی Je me dis que je me dis pire, je me file pas cher de péril alcoolique, je me noie, je bois comme Benoît, je vois trouble la vie et la route en joue avec la défaite. Ma vie, mon sang et mon sang se perd comme du sperme, c'est qu'on joue la roche, gravé dans l'alcool et comme une tonne, je suis un homme. Je perds la force, la goule la tête dans la bouse, éclabousse, les cabousses en cascade, vérité éclate, je mettrai des baffes. Je perds l'enfance, la goule, la tête dans la bouse, éclabousse, les cabous en quatre, la vérité éclate, je mettrai des baffes. Je perds l'enfance, la goule, la tête dans la bouse, éclabousse, les cabous en quatre, la vérité éclate, je mettrai des baffes. Je perds la face, la goule, la tête dans la bouse, éclabousse, les cabous en quatre, la vérité éclate, je mettrai des baffes. Ok. J'adhère à la terre, mon nom se commence par P, je finis par aller ciné, ok. Au bout de mon nez, ok. À écouter, des enfants parler, ok. Je crois que j'y croise le Satan devant la tombe de Père Paul Jacques. H24 dans mon pieu, je me réveille, vieux, étourdi, alourdi, putain ça penche. Mène la vie noire, visage pâle éteint. Les couleurs sombres, je fume du jeune, car la vie crame, grâce au drame, aux larmes secs. Qui est comblé dans tout ce rouge, effondré par tous ces gens ingrats, un petit grain. Et pour eux ce n'est rien. Ok, je répète. Mène la vie noire, visage pâle, éteint les couleurs sombres, fume du jaune, car la vie crame, écrase le drame aux larmes secs. Qui est comblé dans tout ce rouge, effondré pour tous ces gens ingrats, un petit grain, mais pour eux ce n'est rien. Je perds la face, la goule, la tête dans la bouse, éclabousse, les cabousses en quatre, la vérité éclate, je mettrai des baffes. Je perds la face, la goule, la tête dans la bouse, éclabousse, les cabousses en quatre, la vérité éclate, je mettrai des baffes. Je perds la face, la goule, la tête dans la bouse, éclabousse, les cabousses en quatre, la vérité éclate, je mettrai des baffes. Je mettrai des bras.